يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 1. Retranscrire un mot. Chapitre 7. Dictée 43. Premier mot. Subatan. Subatan. Subatan. Subatan. Subatan. Subatan. Deuxième mot. Hisaban. Hisaban. Hisaban. Hisaban. Hisaban. Hisaban. Troisième mot. Naba'an. Naba'an. Naba'an. Naba'an. Naba'an. Naba'an. Quatrième mot. Laïfan. Laïfan. Laïfan. Laïfan. Laïfan. Laïfan. Cinquième mot. Sabhan. Sabhan. Sabhan. Sabhan. Sabhan. Sabhan. Sixième mot. Farouchon. Farouchon. Farouchon. Farouchon. Farouchon. Farouchon. Septième mot. Azwajan. Azwajan. Azwajan. Azwajan. Azwajan. Azwajan. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description et tu peux répondre en commentaire.